Enfoiré. Yeah. Sois conscient que les bons moments sont rarissimes. Trop de soucis depuis moment, on se noie dans la résine. Besoin de vivre vivement qu'on se part d'ici. J'ai que des compagnons, non non, j'ai pas d'issue. Sois conscient que les bons moments sont rarissimes. Trop de soucis depuis moment, on se noie dans la résine. Besoin de vivre vivement qu'on se part d'ici. J'ai que des compagnons, non non, j'ai pas d'ici. On passe notre temps à le perdre, cours après la Nemo. Accumule des tas de peines, tous la prêts à témoin. Merde, j'ai le cœur en mille morceaux. T'inquiète pas, tout va bien, je me soulage vers des mots. C'est devenu banal, ils disent tous la même chose. Moi je veux pas d'une vie trop parfaite. Combien échoué, chaud, big grave, joue les shows. Mais la plupart finissent au parquet. Ça fait bien longtemps que j'ai quitté la zone. Mais je dois pas faire les mêmes erreurs que les autres. Sache que premier faut pas, frère, c'est la zone. Non, te demande pas pourquoi les miens que les autres. J'ferme les yeux, j'oublie ce monde, j'ai quitté la terre. Profite de chaque seconde comme si c'était la dernière. Quitte à finir interné, à tous ces euros, je vais devoir mettre un terme. Les hommes d'aujourd'hui sont faibles. Coquet matériel dans les esprits, c'est ce qui perdure. Quant aux femmes, mon frère, leur côté maternel avait ce qui s'est perdu. Tout ça va trop vite, ça me perturbe. Donc je profite des miens. Je m'assomme à la verdure. Au ciel, je ne peux qu'offrir mes mains. Sois conscient que les bons moments sont rarissimes. Trop de soucis depuis le moment, on se noie dans la résine. Besoin de vivre vivement qu'on se part d'ici. J'ai que des compagnons, non non, j'ai pas d'issue. Sois conscient que les bons moments sont rarissimes. Trop de soucis depuis le moment, on se noie dans la résine. Besoin de vivre vivement qu'on se part d'ici. J'ai que des compagnons, non non, j'ai pas d'issue. J'essaie de profiter de chaque instant. Et je rêve de voir ma team combler. Mais les haters chaque instant. Pourrais en faire un titre complet. J'suis dans des coalitions, ben tout tu capteras. Pour que les vrais s'unissent, enfoirés. On m'écoute de mon peuple à Munich, de mon flow j'suis muni. J'suis unique, enfoiré. Plus le temps pour tout ça, faut que j'me concentre entre le meilleur et le pire. La prod d'OB qu'on s'entende. De savoir ensemble, on construit un empire. Ouais, j'rêve qu'on fasse des lovés, qu'on s'entende. Attends, j'ai 100 ans, l'impression d'avoir fait le tour. Un conseil, lâche ton clavier, ta souris. J'en ai un autre, impression, les bons moments qui nous restent. J'vais plus louper un sourire. J'ai le phrase et la prose assassine. Mais pourtant, j'suis toujours pas en haut des charts. J'ai jamais rien touché de l'assassin. Et tout ce que j'ai signé, poteau, c'est des décharges. Ma voix te touche de loin comme Dalsim. Ça c'est normal, tu me ressens. Je rentre en cabine, assassin. J'emmerde ton rap vide de sens. Sois conscient que les bons moments sont rarissimes. Trop de soucis depuis le moment, se noie dans la résine. Besoin de vivre vivement qu'on se part d'ici. J'ai que des compagnons, non non, j'ai pas d'issue. Sois conscient que les bons moments sont rarissimes. Trop de soucis depuis le moment, on se noie dans la résine. Besoin de vivre vivement qu'on se part d'ici. J'ai que des compagnons, non non, j'ai pas d'issue.